Chapitre 16e. Gino se met à table. Attablés à l'ombre de la tonnelle, Michaud et moi, nous nous préparons un déjeuner calme et reposant. Au menu, pied et paquet marseillais. Trois autres tables sont occupées, assez loin les unes des autres. À l'une d'elles, le procureur de la République et le célèbre avocat Maître K. Michaud jette un rapide coup d'œil vers le couple. Parlons bas, l'ennemi pourrait bien nous entendre. Pom pom pom pom. Tu l'as dit, Bouffi. Bon, la matinée de mon côté, simple à raconter. Comme tu t'en doutes, je me suis fait copieusement remonter les bretelles par Cassard. Pas intéressant. Attristant même. Et toi? Ah, moi j'ai la surprise du chef. Je n'aime pas les pieds. Dis-je en soulevant le couvercle de la cassolette sur la table. Vous avez tort, c'est le meilleur. Alors je t'échange un pied contre un paquet. C'est réglo, non? Ma bonté ne va quand même pas jusque-là. Bon, alors ce matin, Alambic m'a appelé de l'évêché. Et Michaud de narrer le coup de fil. Il omet simplement de parler de Vergnieux au sujet de la déesse afin que Gino ne sache pas que son second a compris que c'est Volpi lui-même qui a dû tirer sur le pare-brise. Excellent, Michaud, ça c'est une bonne nouvelle. Tiens, je vais manger un pied, de satisfaction. Michaud ne raconte pas non plus la déposition de Simon et parle encore moins de la photo. Il veut manœuvrer afin d'en tirer le maximum et que Volpi se déboutonne enfin, qu'il révèle ce qu'il lui cache. Au fromage, Michaud lance un premier bouchon. « Vous avez fait l'Algérie, vous, commissaire ?» Je reste le couteau en l'air, surpris. « Oui, pourquoi tu me demandes ça ? » dis-je méfiant. « Oh non, comme ça. »« Parce que vous avez l'âge pour y être allé. » Moi, j'y suis passé juste avant l'indépendance. C'était un bordel indescriptible. En plus, j'étais simple troufion. Alors j'étais baladé d'un côté, de l'autre. Je ne vois pas le rapport avec le fromage. Je fais, en laissant venir Michaud qui passe outre. « Vous avez dû connaître un type nommé Simon ?» Je pose mon couteau calmement contre mon assiette, mets mes deux mains à plat sur la table et regarde Michaud droit dans les yeux. Celui-ci soutient mon regard. « Commissaire, vous ne croyez pas qu'il vaudrait mieux qu'on ait une explication franche tous les deux. Vous n'avez rien à craindre de moi. Qu'est-ce que tu sais? Comment l'as-tu appris ?» Michaud raconte alors l'intégralité de l'entrevue du matin. « Qui d'autre que toi est au courant ?»« Personne, chef. Je vous ai réservé la primeur, mais en revanche... « Je voudrais que vous ne me considériez plus comme un collégien, mais comme un allié, prêt à vous aider. Même si ce n'est pas très clair. »« Même si ce n'est pas très clair, » affirme Michaud. Il me relate alors la déposition de Simon, en précisant qu'il ne l'a pas enregistrée par écrit. « Simon t'a raconté la vérité. »« Comment tu as fait le rapprochement ?»« Mais avec la photo, patron. Fallait pas être grand clair. »« Et maintenant, dis-moi ce que tu as dans la tête. Et ne me raconte pas des cracks si tu veux que je te dise tout. » Michaud expire un grand coup. « Eh bien, Guelmard avait toutes les raisons de vous faire la peau pour se venger. Et peut-être que vous l'avez liquidé avant qu'il ne vous dégroupe. Vous savez, je n'ai pas oublié le billet que vous avez étouffé et qu'on a trouvé dans les poches de Guelmard. Vous avez de la chance que le légiste soit aussi peu bavard que ses cadavres. » Ça y est, c'était dur, mais c'est sorti. « Et comment j'ai pu le liquider, d'après toi, avec un Dodge ?»« Oui, avec un Dodge, justement, car j'ai bien vu que vous connaissiez ce camion sur le bout du doigt. » Je suis presque sûr que vous en avez un, ou bien que vous l'avez, disons, emprunté. Je n'ai pas eu besoin de l'emprunter. C'est vrai, j'en avais un, mais on me l'a tapé. Et le meurtrier a commis le crime avec, c'est presque certain. Dites, chef, et le billet du légiste? Il est bien mystérieux, ce billet. Tiens, fais-je en le tendant à Michaud, lis, sans trop le tripoter. Michaud prend connaissance du texte et se mord la lèvre inférieure d'étonnement. Bah merde alors! C'est quand même vous qui avez commis le crime? « Mais vous ne vous en souvenez plus ?»« Mais non, Fada, j'ai rien fait du tout. »« Bon, d'accord. »« Et l'arme ?»« Michaud, fais gaffe, tu joues avec ma carrière. »« Si tout ça se sait, tu te doutes de ce qui m'attend. »« L'arme aussi, on me l'a piquée. »« Mais pas les balles. »« Tu comprends quelque chose ?»« Mais le pistolet est de votre bureau. »« Je l'ai vu. Qu'est-ce que vous me racontez ?»« Alors tu fouilles dans mes affaires. »« C'est pas le mien, chouchou. »« C'en est un que j'ai monnayé chez Chetagui, en remplacement. » Michaud garde le silence pendant une bonne minute, le temps de digérer tout ça. « Alors maintenant, Serge, je vais te dire autre chose. J'aurais bien aimé le tuer, le Guelmard, parce qu'une première fois, il m'a raté. Mais il a tué ma femme et mon gosse. » Michaud écarquille les yeux et je lui raconte l'accident et l'enquête que j'avais menée après. Je lui dis aussi toute la vérité sur l'affaire de l'Algérie. Machinalement, Michaud sort une petite voiture de sa poche et la fait rouler sur la table. Je blêmis en voyant le jouet et le saisis. « Tu savais alors? Et tu te fous de moi? Mais non, pourquoi ?» « Parce que si tu ne savais pas, tu ne m'aurais pas montré ce jouet. »« Ah, ça ? dit Michaud en montrant la miniature. Je l'ai trouvé près de l'accident, sur les heures de stationnement. C'était dans une voiture comme celle-là que sont morts ma femme et mon gosse. Mais non, je ne savais pas. Comment j'aurais pu le savoir? Et alors, tu veux m'expliquer d'où elle sort, cette petite bagnole? Eh bien, je vous l'ai dit. Elle a dû être perdue ou laissée après l'accident. Sinon, on l'aurait vue quand nous avons cherché le long de la route. Non? Non. Elle devait y être. Elle a dû être posée là exprès. Il y a une trop grande coïncidence. Alors c'est Guelmard qui a tué votre femme? Dit Michaud en hochant la tête. Ben merde alors, si j'avais su. Et qu'est-ce que tu aurais fait? Moi, je n'ai pas réussi à obtenir de preuves formelles. Et tu n'en aurais pas eu plus que moi. Michaud me lance un deuxième bouchon pour tout savoir. Et Vergnieux? Il veut me faire la peau, parce qu'il a peur que je parle, peut-être. Il m'a suivi pendant longtemps avec la déesse de San Lucas pour me descendre à mon domicile. Hier, avec Sylvia, on a réussi à le coincer et il a cherché à m'écraser. J'ai tiré pour le stopper. Vous l'avez dégroupé? Mais non, bestias, j'ai tiré à côté, mais il a pu se carapater quand même. Au fait, où est-ce que vous crèchez? Je comptais t'inviter juste quand cette connerie est arrivée. Après, j'avais peur que tu vois le Dodge et que tu fasses le rapprochement. Tu m'aurais soupçonné. Alors j'ai préféré ne pas te faire venir chez moi. Mais finalement, comme je te l'ai dit, ils m'ont volé le Dodge. Je suis sûr que c'est eux. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Bah, c'est simple. Continue à chercher l'assassin de Guelmard, puisque ce n'est pas moi. C'est peut-être Vergnieux, pour régler un compte. Ou alors c'est qui? Bah, t'es réfléchi. Je vais bien voir si tu es aussi finaux que tu veux le paraître. Michaud réfléchit, effectivement. Le gars qui a été massacré en Algérie, il est mort? Justement, non. Ah, tu me fais plaisir, Serge. Excuse-moi encore de t'avoir baladé, mais reconnais que ce n'était pas si facile pour moi. Il aurait fallu que je te mette au courant dès le départ. Et puis, depuis la mort de ma femme, je marche à côté de mes pompes. Je sais que je ne suis pas très marrant, quelquefois, mais je n'ai pas toujours le moral et je panique un peu. Ton chef n'est pas aussi solide que tu le crois, Gary. Michaud baisse la tête et bourre sa pipe. Patron, merci de votre confiance, dit-il doucement. Cet après-midi, on va essayer de tirer le maximum de ce San Lucas. Bien, monsieur le futur commissaire. N'oublie pas que le juge, lui, n'est pas au parfum. En parlant de parfum, ça pue, ton caporal. Il vaudrait peut-être mieux tout raconter au juge tout de suite. Ça n'a pas l'air d'être un mauvais bougre. Il n'est pas plus bête que moi. Alors moi, si j'étais vous, je lâcherais le morceau avant qu'il ne comprenne tout seul. Après tout, vous êtes innocent, non? Je vais y réfléchir. En attendant, puisque tu sais tout, on va pouvoir passer le braquet supérieur. On va interroger le patron de Guelmard, voir un peu s'il connaît Vergnieux. Et après, on essaiera de faire parler San Lucas. Allez, poulègue !